Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire. On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain. Immersion en milieu radioactif, territoire où la catastrophe semble permanente. Le nucléaire ne peut se développer que s'il est dirigé par des gens non consciencieux, incompétents et irresponsables. Après l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, le 8 octobre 2011, est publiée une lettre de Togeshi Ikegami. Nous commémorons cette année le 25e anniversaire de l'accident de Tchernobyl. C'est peut-être pour cela qu'un grand nombre de documentaires sur cette catastrophe sont actuellement diffusés à la télévision japonaise. Nous sommes nombreux à les visionner à la télévision ou sur Internet. Il ne s'agit pas de se souvenir de Tchernobyl. Il ne s'agit pas d'avoir le cœur brisé par tant de douleurs. Nous voyons, dans ces images, l'avenir du Japon. Nous vivons actuellement un lendemain de Tchernobyl. Et la situation de Tchernobyl aujourd'hui, c'est l'avenir qui nous attend. Quand nous voyons ces images, nous savons que nos futurs souvenirs y sont gravés. La catastrophe de Fukushima n'a pas eu lieu. La catastrophe de Fukushima n'a pas eu lieu. Quelle catastrophe ? La fréquentation assidue de désastres nous en fait perdre la réalité. À peine une ombre passe-t-elle encore sur nos âmes rompues à l'horreur. L'imagination s'assèche et l'empathie patine face aux réacteurs en fusion, face à l'impéritie burlesque des réponses techniques, face à l'incommensurable pollution du pays, bref, face au naufrage d'un monde. Le fracas de cruelles nouvelles du Japon, s'il nous afflige, assourdit surtout notre perception de la réalité matérielle et politique des faits. Pourquoi l'évidente nécessité d'en finir avec le nucléaire ne nous saisit-elle pas tous aux tripes ? Après Hiroshima et Nagasaki, la guerre froide nous avait habitués à voir les choses en grand. La menace permanente de la bombe nous préparait au pire. Quand soudain, en avril 1986, bing, la centrale de Tchernobyl péta. Tous, retenant leur souffle, levèrent timidement, les yeux vers le cauchemar réalisé. Et que vit-on ? Rien, ou presque rien. Quand les médias eurent accès à la scène de crime soviétique et percèrent les secrets mal gardés du Kremlin, on vit, en fait d'apocalypse, des pompiers tragiquement guignolesques sur le toit d'une centrale, essayant d'éteindre un incendie. Et c'est tout. C'est ainsi que la catastrophe qui eut lieu n'eut en quelque sorte pas lieu pour le reste du monde. C'était il y a longtemps, et ce n'est pas vrai, nous dit Anatoli Saragovets, liquidateur biélorusse, lorsqu'il meurt de cette bataille sans fin quelques années plus tard. Comment s'émouvoir de la lente agonie des liquidateurs et des millions d'habitants, touchés pour toujours par la contamination, ce mal invisible ? Et aujourd'hui, quoi de moins spectaculaire que la contamination des terres et des mers, des villes et des campagnes japonaises ? Quoi de moins wagnérien que la mort lente des habitants du Japon ? Dans un quotidien apparemment inchangé. Le temps de la catastrophe s'allonge inexorablement. Impossible à embrasser pour l'entendement des mortels. La véritable catastrophe nucléaire, c'est pas que tout s'arrête, mais que tout continue. La bombe n'a pas détruit le monde, mais elle a ouvert une nouvelle période de la domination. La terreur provoquée par la menace de l'apocalypse nucléaire ne produit qu'un effet. Figer l'ordre des choses. Il faudrait préserver l'espèce et sauver sa peau au passage. Pour parachever ce programme de glaciation sociale de l'après-guerre, il s'agit de civiliser l'atome. La bombe accouche d'usines d'électricité. Prise en étau entre le cauchemar de la destruction totale et le rêve d'une énergie illimitée, une nouvelle humanité verrait le jour. Une humanité confinée aux rayons électroménagers et toujours enchaînée au régime de la survie économique. Faute de prise sur sa propre vie, on aurait des prises partout dans la cuisine. S'étant rendu indispensable, le nucléaire n'a par la suite plus besoin de grands discours pour continuer à s'imposer. Même s'il y avait un accident de ce type tous les ans, je considérerais le nucléaire comme une énergie intéressante, nous dit Maurice Rosen, directeur de la sûreté nucléaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, 4 mois après Tchernobyl. Ce n'est pas le cynisme d'un seul homme qui s'exprime ici, mais le credo d'une société nucléarisée qui nous fait partager la responsabilité du désastre. En plus d'être dépossédés de nos conditions d'existence, nous devrions assumer 60 ans d'une copulation effrénée entre l'État et le nucléaire. Le nucléaire nous assigne une place, celle de prisonniers d'un monde clos où chaque foutue aspiration à la liberté se cogne au mur des installations nucléaires et se perd dans le temps infini des déchets. Bientôt, imprégnés de fatalisme, nous serions contraints de ne voir dans le nucléaire qu'une énergie parmi d'autres. Il faudrait que l'on se contente de compter les morts. Au tournant des années 80, pour la dernière fois dans ce pays, des communautés entières perçoivent le nucléaire tel qu'il est. Une bombe déguisée en usine à nuages, la fin d'un rapport au monde, une ultime perte d'autonomie. Ces luttes massives contre les implantations de centrales sont enterrées dans les urnes en 1981. La nucléarisation se poursuit sans encombre dans la morosité des années roses. La jeune bureaucratie verte, née sur le cadavre des luttes, achève de faire du nucléaire une question séparée, technique, environnementale, qui balaye la question sociale. Certains de nos aînés ont refusé de ranger le nucléaire au rayon des énergies. En 1986, ils ont fait le pari que le désastre de Tchernobyl allait ébranler la résignation au fait accompli. Perdu. Pour autant, ils ont démontré à quel point la catastrophe était devenue l'un des moteurs de la bureaucratisation du monde, poursuivant ainsi la critique du nucléaire comme gestion sociale. Nous héritons de ce regard désespéré mais pas résigné. On ne sort pas du nucléaire comme on sort sa poubelle. Épisode 1. La bombe. Hiroshima, Nagasaki. Je pense à la bombe. Je ne pense qu'à la bombe. Je ne pense qu'à la bombe. Je ne pense qu'à la bombe. Je ne pense qu'à la bombe. La bombe, la bombe, la bombe. Nucléaire, atomique, incendiaire. Escadron de la mort, kamikaze militaire. Escalade. atome est formé d'un noyau composé de protons et de neutrons autour duquel tournent des électrons. Le nombre de ceux-ci détermine la nature du corps. Un seul électron, et c'est l'hydrogène. Deux, c'est l'hélium. Trois, c'est le lithium. 92, c'est l'uranium. La possibilité enfin découverte de diviser l'atome au moyen d'un neutron permit la naissance de la bombe atomique. La course à la bombe atomique démarre à grande vitesse en août 42, avec la naissance du projet Manhattan, qui dispose de moyens inédits et pratiquement illimités. Il coûtera en tout près de 2 milliards de dollars et emploiera jusqu'à 120 000 personnes. L'ensemble est placé sous l'autorité du général Leslie Groves, qui déconcerte tout le monde en confiant la direction scientifique à l'universitaire Robert Oppenheimer, connu pour sa sympathie aux théories communistes, à l'Union soviétique et son soutien aux républicains espagnols. L'universitaire lunatique se révélera un directeur étonnamment efficace. Le lancement du projet Manhattan coïncide avec l'entrée de l'Amérique en guerre. Le Japon ouvre les hostilités en attaquant le matin du 7 décembre 1941 la base navale américaine de Pearl Harbor, dans l'archipel d'Hawaï, au cœur de l'océan Pacifique. 24 000 soldats sont tués en une seule journée. « Souviens-toi de Pearl Harbor » devient un slogan et un cri de guerre, témoignant du virage de l'opinion publique américaine, jusque-là résolument isolationniste. C'est dans cette atmosphère d'union sacrée, pour écraser le Japon et son allié allemand, que Oppenheimer recrute dans tout le pays les plus brillants scientifiques pour le projet Manhattan. À une ou deux exceptions près, ils ne se feront pas prier. Dans d'énormes usines, isolées du monde, entourées d'un réseau de sécurité et dont bâtiments et terrains couvraient 24 000 hectares, 75 000 personnes coupées de l'extérieur ont pendant des mois travaillé à la réalisation de la bombe atomique. Après que des savants de tout pays eussent mis au point les techniques issues des découvertes françaises sur la dissociation de l'atome. Los Alamos héberge la crème de la physique nucléaire mondiale et compte un nombre inédit de prix Nobel au mètre carré, motivés par le patriotisme et le sens du devoir, mais surtout excités par l'insolent défi scientifique et technique. Ils sont obnubilés par le désir de produire au plus vite leur bombe qu'ils appellent affectueusement le gadget. Pourtant, quand le projet Manhattan entre dans sa phase finale, les Alliés sont déjà sur le continent européen et se fraient un chemin vers l'Allemagne. On a la preuve également à ce moment-là que le programme d'armes nucléaires allemand est considérablement en retard par rapport à celui des Américains. Ce programme, qui n'a jamais fait partie des priorités d'Hitler, dispose de moyens humains et matériels incomparablement plus modestes que le flamboyant projet Manhattan. Quoi qu'il en soit, la bombe atomique allemande n'est plus à craindre, car la défaite du Reich est inévitable et proche. La nouvelle parvient rapidement à Los Alamos, mais la fièvre ne retombe pas. Un seul scientifique, Joseph Rotblat, futur prix Nobel de la paix, présente sa démission, considérant que le projet Manhattan devrait être abandonné dès lors que son unique justification morale, le rôle dissuasif de la bombe, est devenu caduc. Fin printemps 1945, le gadget est prêt, ainsi que ses deux petits frères, Little Boy et Fat Man. Il ne reste plus qu'à le tester. Personne ne sait si les estimations de la puissance du gadget sont justes. Personne ne sait même s'il va exploser. Même les créateurs du gadget n'excluent pas une erreur de calcul. La palette est si large qu'ils deviennent joueurs et que les paris pleuvent. Oppenheimer parie son salaire que la bombe ne va pas détonner. Un de ses collègues, que sa puissance enflammera l'atmosphère et détruira l'État du Nouveau-Mexique. L'essai a lieu le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique. Sa puissance équivaut à celle de 19 kilotonnes de TNT. La radioactivité est 1 million de fois plus grande que celle émise par tout le radium existant sur la planète. Vision dantesque et monstrueuse. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde. Mi-juillet, soit 2 bons mois après la défaite allemande, les vainqueurs réunis à Potsdam pour fixer le sort de l'Europe d'après-guerre reçoivent un message attendu avec impatience. Dès le lendemain de l'explosion, ils sont avertis de la réussite de l'essai de la bombe par un télégramme titrant « Bébé heureusement né ». Truman, Churchill et de hauts responsables militaires se réunissent pour décider que faire. Churchill écrira dans ses mémoires la question de savoir s'il fallait ou non utiliser la bombe pour contraindre le Japon à capituler ne s'est même pas posée. L'accord fut unanime, automatique et incontesté à notre table. Truman et Churchill pensent avoir berné Staline, mais ils sous-estiment ses services de renseignement qui avaient bel et bien pénétré Los Alamos malgré les mesures de sécurité draconiennes. La bombe atomique est alors envisagée comme une solution permettant de lutter radicalement contre la résistance fanatique japonaise, tout en économisant la vie des soldats, surtout américains. Si la guerre est finie en Europe, elle est loin de l'être dans le Pacifique. La défaite du Japon ne fait aucun doute, mais il n'a aucune intention d'accepter la capitulation inconditionnelle exigée par les États-Unis et le Royaume-Uni. Malgré sa situation désespérée, il peut toujours compter sur son armée nombreuse, entraînée et équipée, et compte se battre jusqu'au dernier souffle de son dernier soldat. D'autres arguments président en faveur de la bombe. Truman et Churchill y voient le moyen de mettre un terme à la guerre avec le Japon, avant que l'Union soviétique ne s'y engage à leur côté, comme il le promet depuis 1942. Ainsi, il souhaite court-circuiter Staline en l'empêchant de s'asseoir à la table des négociations avec le Japon. Malgré les sourires sur les photos de la conférence de Potsdam, la détérioration des relations annonce l'avènement de la guerre froide. Le 26 juillet, l'ultimatum est donc signifié à l'Empire du Japon. La capitulation inconditionnelle est le seul moyen d'éviter la destruction massive et immédiate. Truman donne aux forces aériennes stratégiques du Pacifique l'ordre de se tenir prête à larguer la première bombe. Et puisque le Japon ne réagit pas à l'ultimatum, l'ordre est exécuté. Le 6 août, Little Boy tombe sur Hiroshima, ville comptant 300 000 habitants. C'est l'apocalypse. Le souffle de l'explosion, la chaleur, l'incendie, infligent des dégâts dépassant toute imagination. Le lendemain, les radios diffusent un communiqué du président Truman, annonçant qu'Hiroshima a été frappé par une bombe, et que si le Japon persiste dans son refus de capituler, il doit s'attendre à une pluie de destruction venant des airs, comme on n'en a jamais vu sur cette terre. Même Hiroshima n'ébranlant pas la détermination des militaires japonais, deux jours plus tard, Nagasaki est frappé par Fat Man. Cette fois-ci, le Japon capitule et s'achève ainsi la Seconde Guerre mondiale. Truman annonce aux Américains que les morts de Pearl Harbor sont vengées. L'opinion applaudit sans état d'âme. Cette guerre qui a fait une soixantaine de millions de morts à travers le monde a été si riche en atrocités que la destruction d'Hiroshima et Nagasaki n'impressionne personne. La terrible arithmétique du temps de guerre permet de relativiser les pertes, fussent-elles de civils. A-t-on déjà vu une guerre faire le tri entre les innocents et les coupables? Chacun a ses morts à pleurer, et on laisse aux Japonais le soin de faire le deuil des leurs. Lorsque l'Amérique fête la victoire en remerciant le ciel pour tous les soldats qui reviennent sains et saufs, c'est un peu le gadget Fat Man et Little Boy qu'elle célèbre en même temps. Elle accueille en héros les équipages qui ont largué les bombes, elle honore les physiciens nucléaires du projet Manhattan. Elle est fière d'être la seule à posséder une arme qui rend invincible. Pourtant, tous ne se félicitent pas d'un tel exploit. Déjà au printemps 1945, alors que le gadget n'était pas encore prêt, ils étaient quelques-uns à soupçonner les autorités de vouloir se servir de la bombe atomique à d'autres fins que dissuasives et à s'en inquiéter. Après la capitulation de l'Allemagne, Leo Szilard interpellait une nouvelle fois les autorités sur les conséquences désastreuses de l'usage de cette arme contre le Japon, au-delà même de l'inévitable massacre de la population civile, mettant l'accent sur les bombes du futur. Une action qui créait un précédent en utilisant les forces de la nature récemment libérées dans le but de la destruction devra ainsi porter la responsabilité d'avoir ouvert la porte à une époque de dévastation à une échelle inimaginable. Déclaration de Robert Oppenheimer, directeur scientifique du projet Manhattan, après l'explosion de la première bombe atomique, Trinity, dans le désert du Nouveau-Mexique, le 16 juillet 1945. Nous savions que le monde ne serait plus le même. Quelques-uns riaient. Quelques-uns pleuraient. La plupart des gens étaient silencieux. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Je me suis souvenu des lignes des écritures hindoues du Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that Vishnu tente de persuader le prince. He should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form. Et pour l'impressionner, prend sa forme aux armes multiples. Et dit. Now I am become death, the destroyer of worlds. Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. I suppose we all thought that, one way or another. Je suppose que nous pensions tous cela d'une façon ou d'une autre. Comment oublier cet éclair ? En un instant, 30 000 dans les rues disparaissent. Au fond des ténèbres qui s'écrasent, les cris de 50 000 s'éteignent. Fumée jaune se dissipant en volutes, déchirer les bâtiments, effondrer les ponts. Les trains ont brûlé bondés. Infinis tas de tuiles, de pierres restent calcinés de Hiroshima. Bientôt des peaux comme des chiffons usagés pendent, au bout des mains comme des poitrines. Piétinant de la matière cérébrale écrasée, reins enveloppés de tissus brûlés, défilent des corps nus qui marchent en foule et pleurent. Corps sur le champ de manœuvre comme statuettes de Gizot. La foule entassée au bord du fleuve rampant sur des radeaux attachés là. Sous le soleil brûlant se change au fil des heures en cadavres. Dans le flamboiement qui pénètre dans le ciel du soir, les endroits de la ville où mère et petit frère furent pris vivant sous les décombres se reflètent en brûlant. Au milieu d'excréments sur le sol de l'arsenal sont allongées des étudiantes rescapées. Crâne dépouillé, moitié de corps rouge écorché, yeux écrasés, ventre gonflé. En ce grouillement où on ne sait qui est qui, je cherche la lumière du matin. Rien ne bouge plus dans la pestilence stagnante, rien que des bruits de mouches volant contre des bassines en métal. Comment oublier ce silence qui occupait tout entière une ville de 300 000 habitants ? Comment oublier dans ce calme l'espoir dont s'emplissaient à nous briser cœurs et âmes les orbites blancs de femmes et d'enfants qui ne sont jamais rentrés ? L'adoption de l'énergie nucléaire, tant civile que militaire, et sa mise en œuvre rapide se placent dans la logique du développement industriel. Elle mène cette logique jusqu'à un point limite qui confère à cette société certains caractères particuliers permettant de parler de société nucléaire. Que celle-ci s'instaure ou non dépend de forces antagonistes qui freinent ou accélèrent le processus. Dès sa première manifestation publique, le 6 août 1945, l'énergie atomique fut présentée et perçue comme une révolution scientifique, titre choisi par le journal Le Monde pour annoncer le bombardement et la destruction quasi totale d'Hiroshima. De vieux mythes furent immédiatement réactualisés. L'humanité voyait arriver l'ère de la maîtrise totale de l'énergie, inépuisable et bon marché, lui assurant par là même la domination absolue de la nature. L'énergie, fondement de la société industrielle, prenait une dimension de caractère divin. Les savants, devenus les grands prêtres, proposaient des actions grandioses. Raser le Mont Blanc, assécher la Méditerranée après avoir comblé le détroit de Gibraltar, faire fondre la glace des calottes polaires, modifier le climat, etc. Il ne s'agissait pas là d'une action promotionnelle afin de mieux vendre ce nouveau procédé. Ce n'étaient pas des rêves d'ignorants, mais des possibilités pour un futur très proche, gagé par la parole des plus hautes sommités du monde scientifique. La belle simplicité de la formule d'Einstein, E égale mc2, transcrivant l'équivalence de la matière et de l'énergie, faisait d'un kilogramme de matière une fabuleuse réserve d'énergie. Provenant de la disparition de la matière, l'énergie nucléaire ne pouvait être qu'une énergie propre. Quand certains scientifiques évoquaient la possibilité d'existence de résidus, le terme de déchet n'apparaîtra que bien plus tard, ils mentionnaient que de toute façon, les produits ainsi créés seraient fort utiles à l'humanité. Il est intéressant de noter que le premier usage de cette énergie fut un acte de destruction, et que les applications civiles proposées initialement étaient, elles aussi, des actes de destruction. Écoute, je sais tout. Ça a continué. Rien, tu ne sais rien. Les femmes risquent d'accoucher d'enfants malvenus, de monstres. Mais ça continue. Les hommes risquent d'être frappés de stérilité. Mais ça continue. La pluie fait peur. Des pluies de cendres sur les eaux du Pacifique. Les eaux du Pacifique tuent. Des pêcheurs du Pacifique sont morts. La nourriture fait peur. On jette la nourriture d'une ville entière. On enterre la nourriture de villes entières. Une ville entière se met en colère. Des villes entières se mettent en colère. Contre qui ? La colère des villes entières ? La colère des villes entières, qu'elles le veuillent ou non, contre l'inégalité posée en principe par certains peuples contre d'autres peuples. Contre l'inégalité posée en principe par certaines races contre d'autres races. Contre l'inégalité posée en principe par certaines classes contre d'autres classes. Écoute-moi. Comme toi, je connais l'oubli. Non, tu ne connais pas l'oubli. Comme toi, je suis douée de mémoire. Je connais l'oubli. Non, tu n'es pas douée de mémoire. Comme toi, moi aussi, j'ai essayé de lutter de toutes mes forces contre l'oubli. Comme toi, j'ai oublié. Comme toi, j'ai désiré avoir une inconsolable mémoire. Une mémoire d'ombre et de pierre. J'ai lutté pour mon compte, de toutes mes forces, chaque jour, contre l'horreur de ne plus comprendre du tout le pourquoi de ce souvenir. Comme toi, j'ai oublié. Pourquoi nier l'évidente nécessité de la mémoire ? Les survivants des bombardements de Hiroshima et Nagasaki du 6 et 9 août 1945 sont appelés Hibakusha. Dès le 19 septembre 1945, le Press Code, ou Code de la presse, interdisait toute diffusion d'informations ou de commentaires relatifs aux deux bombardements atomiques, que ce soit dans la presse, au cinéma, à la radio ou de façon plus générale par l'image et la parole. Ce code, instauré à l'initiative du quartier général de MacArthur, restera en vigueur jusqu'à 1952, année du retour à l'indépendance après 7 ans d'occupation américaine. Une autocensure plus larvée, mais tout aussi contraignante, continua ensuite de régner au Japon. Et ce n'est qu'en 1954 que commença à être reconnu aux Hibakusha le droit de s'exprimer publiquement sur leur expérience de la bombe. Dans un premier temps, ils seront pris en charge par l'ABCC, Atomic Bomb Casualty Commission. Il s'agissait d'une assistance médicale assurée par des médecins américains. Mais en réalité, ces médecins effectuaient un collectage de données, des diagnostics, mais aucun traitement thérapeutique. Dès les années 1950, les Hibakusha, surtout ceux situés à moins d'un kilomètre au moment de l'impact, développent des leucémies 10 à 50 fois supérieures à la moyenne. Thyroïde, foie, poumons, voies urinaires, organes reproducteurs sont touchés. on constate un retard de croissance pour les enfants exposés. Les survivants souffrent d'anémie, de problèmes sexuels, de vieillissement accéléré et de dépression. Il faut attendre 1957 pour que le gouvernement japonais promulgue la première loi d'aide médicale pour les hibakusha. En 1968, une nouvelle loi d'aide est votée, mais les critères sont trop restrictifs. On compte officiellement aujourd'hui 280 000 hibakusha au Japon. Le monde est fatigué d'une église qui ne prêche que la mort et la croix. Qui osera nier que le monde n'a jamais été plus absurde? On voit réapparaître l'idée illusoire que la paix ne peut se fonder que sur la terrifiante puissance d'armes extrêmement meurtrières. Rêve apparemment fou, la terre doit devenir progressivement le ciel. Les survivants d'Hiroshima, on les appelle les hibakusha. Rescapés du picadon, le picadon éclaire, boum! Pura. Insère des os et tissus organiques, espérance de vie réduite. Nausée, vertige, pura. Les hibakusha souffrent d'un mal étrange et difficilement définissable, baptisé pura, la maladie du rien faire. Le ministère de la Santé japonais a été obligé de classer les hibakusha comme invalides, au même titre que les leucémiques. Palpitations, troubles de la mémoire. Pura. Dans la ville nouvelle, trop malade pour travailler, pas assez pour mourir. Les nouveaux venus croient le mal atomique contagieux. Nous ont privés de bains chauds. Japonaise. Les guirlandes de papier suspendues au plafond peuvent favoriser la guérison des malades. Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire. On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humains. Immersion en milieu radioactif,